Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un bon thriller. Pour Chris et Lisa, emménager dans leur maison de Lakeview Terrace est un rêve devenu réalité. Pourtant, rapidement, les deux jeunes gens deviennent la cible de leurs voisins qui désapprouvent leur relation interraciale. Cet homme strict et austère, père célibataire et policier, s'est autoproclamé responsable de la sécurité du quartier. Si ses patrouilles nocturnes et sa surveillance constante procurent un sentiment de sécurité à certains, il se montre de plus en plus oppressant envers le jeune couple, allant jusqu'à les harceler chez eux. Tes nouveaux voisins, t'as fait connaissance ? Il faut laisser aux gens le temps de s'installer, non ? File-moi ton portefeuille, file-le-moi ! Bienvenue dans le quartier. Quoi ? Vous m'avez fichu la trouille de ma vie. Vous m'en direz tant. J'ai vu notre nouveau voisin, Abel Turner. Et alors ? Il a une forme d'humour très particulière. Votre éclairage extérieur donne directement sur notre chambre. J'imagine que c'est énervant. Mais j'aimerais mieux que vous ne donniez pas vos scènes d'amour en spectacle à mes enfants. Il y a peut-être des endroits où ça se fait. Et c'est peut-être là que vous devriez vivre. Il n'a jamais proféré de vraies menaces contre votre vie. Et il a pour lui la couleur qu'il porte. Le bleu. Il faut qu'on trouve un moyen de régler la question. Sinon quoi ? Qu'est-ce que tu fous, merde ? Je t'ai pas autorisé à planter ces arbres ! Arrête ! Allez, viens, on va s'expliquer ! Sors de ma propriété. Tu veux appeler les flics ? Je vais te dire qu'il y a le service. On s'en ira pas. Harcelé avec Samuel L. Jackson, un DVD Sony SPHE.